بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سندخل إن شاء الله اليوم في الحديث 21. وقبل هذا الحديث في الحديث 20 والحادي 20، نعم. فقال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود، وليس ابن مسعود، أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. selon أبو مسعود عقبة، et non pas عبدالله بن مسعود، ne pas confondre، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، donc lui c'était un من الأنصار، alors que Ibn Mas'ud est parti des Muhajirin. Ils ne sont pas les mêmes personnes. Et des fois, ça peut porter à confusion. طيب. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les choses que les gens ont compris des prophéties, des premières prophéties, dans le sens que si tu n'as pas de gêne, alors fais ce que tu veux. Apportez pas le Bukhari. Si tu n'as pas de gêne, fais ce que tu veux. Donc ce hadith, جعل يعلم شيئا مما ينبغي أن يكون عليه المسلم في دينه ودنياه. Ce hadith fait pour thème de al-haya, que l'on traduit par pudeur, par la pudeur. أولا يعلم أن الحياة la pudeur هذه صفة من صفات الله عز وجل. C'est parmi les attributs d'Allah سبحانه وتعالى. كما جاء في حديث المعنى أن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه فسأله أن يردهما، يعني صفراء، que Allah est gêné lorsque son serviteur lève ses mains vers lui et le demande de lui envoyer que ses mains vides. هذا المعنى. إن الله لا يستحي من الحق. أو جاء في القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مثلا ما بعوضة فما فوقها. Donc forcément, ce qui est une sifat d'Allah Azza wa Jal, la base, c'est que chez l'insan, elle est également bonne. Ce n'est pas le cas pour toutes les sifat. Les sifat d'Allah Azza wa Jal, qui sont un haq à lui, qui sont mazboum chez nous, comme le kibr, masalan. Kibr chez Allah Azza wa Jal, haq, chez nous, c'est un défaut. Et, كذلك, al-haya, la pudeur, هذا من الإيمان. كما أخذنا في الأحاديث المعروفة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإيمان بدون ستون شعبة أو سبون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمادة الأذى عن الطريق، تمام. والحياء من الإيمان، que النبي صلى الله عليه وسلم il a dit que la foi est d'une soixantaine de branches. La plus haute c'est le fait de dire la ilaha illallah, c'est shurut. Et la plus basse c'est d'ôter les obstacles du passage. Et al-haya, la pudeur, fait partie de la foi. Wa jaa fi hadith Ibn Umar anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam marra bi rajulin ya'idhu akhahu fi al-iman fa qala da'ahu fa inna al-haya min al-iman. Que le nabi sallallahu alayhi wa sallam est passé auprès d'un homme des Ansar qui exhortait son frère dans la pudeur, il lui dit laisse-le car la pudeur fait partie de la foi. Wa fi hadith Imran ibn Hussein qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-haya wa la yati ila bi khayr. Que la pudeur ne vient qu'avec du bien. Donc cette pudeur n'est qu'un khayl pour nous et une marque de la foi. Hatta jaa fi hadith avant hadith Ibn Umar كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنان جميعا إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. Que la foi et que la pudeur sont liées, sont jointes. Si l'une des deux s'en va, l'autre s'en va également. Donc tu verras que les kuffars sont des gens qui n'ont pas de pudeur. Et cette pudeur, c'est une caractéristique présente chez la personne qui l'empêche de faire des choses qui portent, qui sont, on va dire, un outrage aux mœurs. Salen. D'ailleurs, même dans les koufars, tu as cette loi qui s'appelle atteinte à la pudeur. Alors quelqu'un se promène tout nu dans la rue, c'est pas accepté chez les koufars. Bien qu'ils n'ont pas de pudeur, ces gens-là. Mais voilà, quoi, ils s'inventent une pudeur dans le sens où Une femme peut être habillée comme un veuve, mini-jupe et tout, c'est, voilà. Tu vois, pour eux, c'est normal. À partir du moment où elle s'habille, elle est pudique, et si elle est toute nue, là, c'est la tête à la pudeur, t'as pas le droit. On dit même comment elle est habillée là, là-bas, elle n'a pas le droit non plus. Mais bon. Ces gens-là n'ont pas d'imène, donc ils n'ont pas de haya. Awalen, on revient au hadith, il a dit parmi ce qu'il y a, les gens ont compris des paroles de la première Nubuwa, qui prouve que les paroles des prophètes auparavant demeurent jusqu'à aujourd'hui. Les sagesses qu'on a apprises d'auparavant demeurent jusqu'à aujourd'hui. Les choses qui ont été trouvées dans la législation précédente jusqu'à la nôtre. Et parmi elles, celle-ci. Il y en a plein d'autres. Et ce qui démontre que l'al-haya a toujours été parmi ma kana alayhi da'awat al-anbiya al-sabiqin. Ils ont tous sauté là-dessus, ils ont appelé bien évidemment Touhid dans son milieu, mais également la pudeur. Moussa alayhi salam kana yastahi comme a dit fait hadith Abu Huraira قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عريانا j'oublie le mot nu وموسى كان يغتسل وحده كان ينظر بعضهم إلى بعض que les bani Israël se lavaient nus complètement nus tous ensemble et se regardaient les uns les autres alors que Moussa lui se lavait à part حتى قالوا ما منع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدار Il n'y a rien qui empêche Moussa de se lever avec nous, sauf qu'il est adore. Adore, c'est-à-dire qu'il a comme un défaut au niveau de son pénis, qu'il ne veut pas nous montrer. Après, comme tu sais, l'histoire de la pierre qui est partie avec son vêtement, il a chassé la pierre pour retrouver son vêtement, et là, les Banu Israël l'ont vu, ils ont dit, ah, Moussa, il n'y a pas de problème. Juste, il est pudique. C'est la pudeur. El Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit qu'il m'a déjà fait hadith à Abdullah bin Amr, il a dit, avant qu'il n'y ait pas avant qu'il reçoive la prophétie, qu'il aidait les Quraysh à porter des pierres, et il avait son izar. Il a dit, Al-Abbas, لو حللت izarak, وجعلته على منقبي دون الحجارة. Si jamais tu pouvais défaire ton izar, ton panne, le mettre sur tes épaules, porter des pierres. Ça serait plus simple pour toi. Il a fait, c'est-à-dire qu'il s'est découvert totalement. Et à ce moment-là, Rushia Ali, il est tombé évanoui. Après ce jour-là, il n'a plus jamais été venu. Donc c'est parmi la pudeur. Wa qalat Aisha anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kan ashad haya min al-ghadara fi hujriha. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est encore plus pudique qu'une jeune vierge dans sa chambre. Wa kada. Donc dans ce hadith, il yaqul idha lam tastahi fasna ma shit. Si tu n'as pas de gêne, alors fais ce que tu veux. Ce hadith a été expliqué sous deux wajh. Le premier qui est le plus apparent, c'est Mimbeb al-Tahdid. En le sens, si tu n'as aucune pudeur, dans le sens de menace en fait, alors fais ce qui te plaît dans le sens, il n'y a rien qui va t'arrêter. Kafiqo illa ta'ala, yakul, fa'amilu ma'ashitum inni matamun basir. Faites ce que vous voulez, je vous regarde. Dans le sens que Allah te met au défi, c'est pas que tu vas faire ce que tu veux, c'est-à-dire fais ce que tu veux. Il n'y a rien qui t'en empêche, tu as les mains libres, tu n'as pas les mains liées. Fais ce que tu veux, mais je te regarde. Et c'est-à-dire, ce que tu feras, tu en diras compte par la suite. Donc, Allah Ta'ala, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il m'y croit. Est-ce que c'est une permission de m'y croire? C'est pas une permission. Mais, là, on va dire, le potentiel de m'y croire, il est en toi. Personne ne peut te forcer à croire. Là, il croit en fait dîne. Mais si jamais tu m'y crois, tu en paieras les conseils, tu en paieras le prix par la suite. Hein? Ah, donc là, ça revient à ça, ce hadith-là. Tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Il n'y a rien qui va t'en empêcher d'agir. Et l'autre explication que les ulama ont donnée, comme Charles Samin, ils ont dit, ça, on peut le comprendre autrement, qui est de, si jamais ce que tu vas faire là, comme acte, est une chose qui n'amène pas, dont il n'y a pas à être gêné, alors fais-la. D'accord? Une chose qui est normale chez les gens, d'accord? Alors fais-la. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais le premier, c'est ce qui est يعني في الغالب والذي يظهر celui qui expliquait en premier lieu et d'ailleurs celui que cher Al-Fawzan il explique pas l'autre wajh, il n'en parle pas lui. Donc le manque de pudeur a dit sifat dhamima, ce qui montre un ox dans l'iman. D'accord, ça montre un ox dans l'iman. Et les gens qui n'ont pas de pudeur font commettre les actes les plus immondes. En premier lieu, le kufr billah azawajal. Il n'est pas gêné de son Seigneur qu'il a créé, qu'il a nourri, qui lui a donné tout ce qu'il a, et après ça, يجعل له أندادا أو يعبد غيره أو بل يتنكر لوجوده carrément il voit qu'il n'existe pas il ne l'adore pas ou il adore autre, avec, autre que lui avec lui لا يستحي il n'a pas honte le kadhib le mensonge الزina la fornication même le rush l'escroquerie la tromperie كل هذه الأشياء الذي يقع في هذه الأمور فهمت فيه أكلة حياة alors que la pudeur normalement t'empêche de faire certaines choses tu vois des gens qui font des choses ils disent non je ne sais pas faire ça ou même des fois chez les koufars qui ont certaines limites ils disent ça ne se fait pas ça ils font une chose ils vont dire non ça ne se fait pas ça parce qu'en fait à ce moment-là c'est quoi c'est la haya qui parle même si elle est basse il n'est pas un autre il n'y a plus rien sifr il a toujours un minimum dans leur adat à eux qui est il dit ça ne se fait pas ça et la haya donc on a dit c'est une sifat parmi les sifats du mu'min et elle est surtout surtout matlouba chez la femme surtout chez la femme لأن المرأة عورة la femme entièrement une عورة elle est toute seule donc مثلا les femmes qui n'ont pas beaucoup de pudeur tu vois des choses qui sont si un homme les fait ça pourrait passer mais chez une femme ça ne passera pas c'est là dans le langage dans la lever la voix se mélanger aux hommes quand même ne pas baisser le regard comme encore l'État Allah وكل المؤمنات يحضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولبجين زينتهن إلا ما ظهر منها ويدربن dit aux femmes croyantes qu'elles baissent le regard d'accord qu'elles préservent leur partie génitale qu'elles ne font pas apparaître leur parure à part ce qui en est apparent comme des vêtements qui dépasseraient et certains ulama disent ah, c'est avec les maharim tout ce qui est membre de l'Oudo. C'est maharim, c'est ce qu'ils ont le droit de voir de la femme. Et qu'elle rabatte sur elle son khimar, c'est-à-dire son voile, à la jubihinna, c'est-à-dire sur, ça revient sur la poitrine. Donc, de là, les ulama, ils ont dit que cela montre qu'elle est obligée de couvrir son visage à la base. Car le voile, quand tu le rabats de derrière jusqu'à devant, il tombe sur ton visage. Il n'y a pas d'histoire qu'il y avait un trou au milieu du visage pour que le visage soit apparent. Elle le rabat jusque sur la poitrine. Hada wa al-jilbab shar'i. Aujourd'hui, des frères me racontent que tu vois des sœurs, mafalan, qui ont honte, ou qui n'ont pas assez, on va dire, de choujar, de sabbat dans leur din. Entre elles, elles s'habillent normal, et quand elles sortent dans certains lieux, elles mettent des cols roulés et des bonnets. Tu vois, ça, c'est pas un hijab, ça. T'es pas mutahajiba. Voilà. T'es pas mutahajiba en faisant ça. Ça, c'est Hachalan, c'est pas Makboul. T'es pas habillé. Là, tu considérais comme étant Moutabar Lijah. Peut-être que pour les gens, on dit elle est couverte. Pour Allah Azzawajal, c'est pas la couverture que lui, il a légiféré. Ou le petit hijab qui fait juste le tour de la tête, comme ça. Là, ça vient juste sur la poitrine à la base. Un minimum. C'est-à-dire qu'il peut descendre encore plus bas. Et après ça, des gens te disent dans le Coran, il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de verset qui parle du voile. Allah, Aoula Dajajila. Aoula Dajajila. Et donc, comme on disait par rapport à la femme, mais c'est là j'ai déjà fait un audio par rapport à ça. J'ai rappelé pour les blessés de taqwa zalika khayr, que nous avons de la piété sur les meilleurs. Pour les femmes qui s'habillent bien à la base, mais qui au fond d'elles en manquent de pudeur dans leur comportement. Comme je disais, elles parlent fort, elles rigolent fort, peut-être même comme des femmes ont dit, elles crachent devant les hommes. Tu vois, elles sont grossières, elles sont vulgaires. Tu vois, quand elles parlent avec un homme, elles n'ont pas de pudeur, elles parlent avec un homme normal. Peut-être même qu'elles embellissent leur voix ou rien zalika. Et ça, chez une femme, c'est mazmoum jiddan. Il avait dit chez Ansemine, « Mor'a, lisa fiya haya, fala tas'al anha. » Une femme qui n'a pas de pudeur, ne t'arrange même pas à son sujet. Elle va faire des ajaïb. Chez l'homme, que zalik. Et la femme, c'est encore plus. La femme, c'est encore plus. Et hatta chez les koufars, des choses que l'homme, s'il fait, il sera vanté. Si la femme, elle le fait, elle sera insultée. Là, c'est marrant. Bien qu'à la base, en islam, les deux, ils sont blâmés. Mais la base qui montre que la femme, chez elle, c'est plus grave encore. La femme, c'est encore plus grave. Donc, ce hadith amène à ça. Qu'il faut faire preuve de pudeur dans ce qu'on fait. Et ça, comme on disait auparavant, faire attention à notre image, kazalik. Sans non plus faire la comédie. Là, il frotte pour la tafrit. T'as des gens, ils veulent, pas seulement pour des pudiques, qui jouent un rôle. Ils ont un caractère qui n'est pas le leur. Dans leur façon de parler, quand ils se tiennent, quand ils font, je sais pas, des calimètres de rose, tu les vois, ils donnent une image qui n'est pas la leur. C'est-à-dire que tu les vois en privé, ils n'ont rien à voir avec ça. Je ne dis pas que tu ne fais pas attention. Mais tu restes toi-même. Tu vois, tu restes naturel. Et tu en as, tu les vois, ils jouent un rôle. Tu en as, c'est le contraire. Justement, moi, je vais être moi-même, qui sont comme, ils vont arriver, faire une, je sais pas moi, dans un truc public, de trucs de darwa, ils vont se comporter comme s'ils se sentent seuls dans leur chambre. Tu dis non, kazalik. Tu fais un minimum de tenue devant les gens, tu vois ce que ça veut dire? À kaza. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana jalisan, ma Abi Bakr. Awalan. Obel, kana jalisan, ma abad ashabi. Avocat, il est rentré, il avait la cuisse qui était apparente. Avocat, c'est Dieu qu'il est rentré, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas bougé. Au moins, il est rentré, le Nabi Sallam ne l'a pas bougé. Othman est rentré, le Nabi Sallam a recouvert sa cuisse. Et quand il était interrogé, il a dit, Allah astahi min rajul, astahi minhu al malaika. Je ne veux pas être gêné d'une personne dont les anges sont gênés. Je trouve que tu as un comportement, des fois, dans certaines situations, tu feras plus attention que d'autres. Mais tu restes ton âme quand même. Donc là, il faut que tu aies fait al-Janib. Attends, là, ils veulent tellement dire le bon comportement qui sont des gens qui n'ont rien à voir. Il y en a, hein, vous connaissez qui était à des mèches dans ce genre-là, pour pas avoir le nommé ici. Quand il parlait sur les gens qui n'aimaient pas, c'était du verre à lancer, de l'argot, c'était kaza et kaza. Quand c'était muhadara, c'était la voix qui ressemble à celle de Shaman Jami. Tu vois. C'est à la limite la voix d'un savant. Et quand ça parle avec ses copains, que ça me dit que c'est calomnie, là, ça parle comme dans la rue. Oui, azubillah. Et on va faire un tambi par rapport à ça dans le prochain hadith qui arrive. Taïeb. Donc ça, c'était le khurasa par rapport à ce hadith-là. Iza lam tastahi, fastam anshit. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et on expliquait le sens apparent du hadith. Ce n'est pas une autre permission. C'est juste une menace, un tahdid. Fais ce que tu veux, mais par la suite, tu en paieras les conséquences. Wa akaza. Thumma yaqul fil hadith al-hadi wa 20. 21e hadith. Bi fadlillahi ta'ala, on arrive à la moitié du livre. Yaqul عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم رواه مسلم. Selon سفيان بن عبد الله رضي الله عنه, il a dit, j'ai dit au messager d'Allah, dis-moi une parole dans l'islam dont je n'aurai interrogé personne d'autre à son sujet autre que toi. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dis, j'ai cru en Allah, puis tiens trois doigts. Stakim. Apporté par Muslim. Had al-hadith fihi awwalan, va te demander conseil aux gens de mérite qui te dirige, qui t'indique, qui te conseille. Wa tas'al fi ma yanfa'uk. Tu interroges et proposes ce qui t'est profitable. Et généralement, cela, même pas généralement, là-bas, c'est que c'est ta religion en premier lieu. D'accord? Ta religion en premier lieu. Donc là, Sofiane, il a voulu une parole générale, concise, mais qui renferme beaucoup de sens et qui va l'aider à agir par la suite. Quand tu regardes bien les hadiths que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, il comprenait aussitôt le maqsoud, tout ce qui s'est renfermé. Nous, aujourd'hui, on va venir, je ne sais pas combien de livres pour y arriver. Eux, un hadith, des fois quelques mots, ou ainsi de suite, c'était acquis. Tout ce qu'il y avait à apprendre dans le hadith. Même des sahaba qui étaient encore jeunes. Et nous, aujourd'hui, on est des masalakin. D'où le fait que si la voix des salafs est obligatoire pour nous. Kana fahmuhum aqrab ila maqsoud an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi kalami. D'accord? La compréhension était plus proche d'atteindre, on va dire, le but recherché par le nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il disait. Ils étaient là quand le wahi descendait. Ils l'ont vu agir. Ils l'ont vu dans sa dawa, comment il a évolué. Donc, ça, où est-ce qu'il va en venir, s'il dit telle et telle chose? Wa akada. Donc, celui qui veut prendre une voie que la leur sera certes égaré. Sera certes égaré. Dans ce hadith, il dit, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ. Donc, il l'appelait Al-Iman en Allah. Même, avec tout ce que cela inclut. ثُمَّ اسْتَقِيمُ. Et tiens-toi droit. Comme a dit Allah, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي الآية الأخرى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. Donc dans le sens où Allah dit, certes ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis ils sont tenus droit, les anges descendront sur eux, en leur disant, n'ayez point peur, ne soyez point attristés, et réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. Et dans l'autre verset, dans le sens, certes ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis sont tenus droit, nulle peur sur eux, et ne sont point attristés. Ceux-là sont les gens du paradis, ils seront éternellement. وكذلك كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Vous qui avez cru, vous qui croyez, rentrez pleinement en islam. Pleinement en islam, et ne suivez pas les traces de Shaitan, qui est pour vous un ennemi déclaré. ويقول سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت. Et tu entras droit comme cela t'a été ordonné. ويقول سبحانه وتعالى وَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا. Et tenez-vous droit, c'est-à-dire sans sa religion, et demandez-lui pardon. وَاكَذَا. Donc tous ces versets montrent que appeler, que rentrer en islam, elle y mène, mais il y a des actes qui vont avec également. Et ces actes te poussent à te tenir droit. فَيَقُولْ الشَّيْخُ الْفَوْزَانِ يَعْنِي الْاِسْتِقَامَةِ مَعْنَهَا أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانِ معتدلا مستقيما بين الغلو وبين التساهل فلا يكون غاليا وزائدا وطائشا ولا يكون متساهلا منحلا بل يكون معتدلا. Que le, la droiture, son sens, c'est que la personne est sur le juste milieu, sans exagération et sans laxisme. Et n'est pas parmi ceux qui exagèrent, d'accord, qui rajoutent des choses, qui en font trop, qui sont insouciant. Tout comme il n'est pas parmi les laxistes, des gens qui délaissent des choses, qui sont négligents, indolents. Mais il est entre les deux. D'accord, il est entre les deux. فَيَقُولْ لَا يَزِيدُونَ وَلَا تَزِيدُوا وَلَا تَغْلُوا فِي الْاِسْتِقَامَةِ لِيَنَّ الْخُرُوجَ عَنِ الْاسْتِقَامَةِ يَكُونُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ. Il a dit, ne rajoutez pas en exagérant dans la droiture. Car sortir de la droiture, cela se fait par deux choses. Imma bi ziyada alayha, soit en rajoutant un rouleau, tashaddud. Wa imma bi naqs, soit par la réduction, en enlevant des choses. Fa ziyada yajibu ala insan tarkuha. Tout ce qui est le surplus, c'est-à-dire qui n'est pas dans les choses qui ont été rendues légiférées, d'en faire plus, cela, il revient à la personne de délaisser cela. Amma naqs فالإنسان غرضة للنقص. Quant à la réduction, d'accord, à la base, l'être humain, il est amené, il est faible, il sera amené à avoir un nox dans sa religion. Comme on a dit, l'imène, yazil ou yankos. D'accord, il augmente et il diminue. وَمَا مِنَّا أَحَدٌ يَسْلِمْ مِنَ النَّقْصِ. Aucun d'entre nous n'est épargné, justement, de ce moment de faiblesse. لَكِنَّ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ لَهُ الْاِسْتِغْفَارِ. Cependant, Allah Azza wa Jal lui a rendu, lui a ouvert la porte de l'istighfar. Comme on dit dans le hadith, il dit « Inna Allah yabsutu yadahu fin nahar yatouba musi al-layl wa yabsutu yadahu bin layl yatouba musi al-nahar » que Allah étend sa main de nuit pour que se repente celui qui a fait du mal dans la journée. Il étend sa main la journée pour que celui qui a fait du mal la nuit se repente, et ainsi de suite. Même avec le tawba makboula hatta takoum al-sa'a ou tatlou al-shams ma'alibiha. Que la Tauba, sa porte reste ouverte jusqu'à ce que le Shams se lève de son couchant. Et l'istighfar, c'est juste obligatoire de faire la Tauba. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal muslimun aw ayyuhal mu'minun la'akum tuflihun. Wa kadha, plein de dalils sont venus par rapport à ça. Wa ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Et vous n'avez de cesse de vous de fauter jour comme de nuit, et moi je pardonne les péchés, tous les péchés. Donc ça c'est inévitable. Cependant, ce qui t'est demandé, c'est justement de reconnaître ton erreur, t'en repentir. De t'en repentir. Et là, ça, tous ces hadiths, ce hadith en lui-même, réfute ces gens qui ont cette philosophie également, qui est de dire, qui, qasimun al-din, il est ushur wa lub, qui divise la religion en ce qui est, on appelle la pulpe, comme le fruit l'orange, et les épluchures à la peau, comme les Yohan Muslimot. Il veut dire quoi par là? Tout ce qui est sunna, c'est pas important. Tu vois. Porter le kamis, c'est pas important. La barbe, c'est pas important. Que la femme se voile le visage, ça, c'est pas important, ça. Tu vois. Vêtements sur les chevilles, c'est pas important. Le siwak, c'est pas important. Tu vois. Que les chevilles sur les chevilles aux chevilles, tout ça dans la salade, c'est pas important. Que les rangs soient bien droits, c'est pas important. Tout ça, pour eux, c'est pas important. Quand ils veulent quoi, eux? Soi-disant arriver au but extrême qui est de faire un état islamique, prendre le pouvoir. Et ça, c'est encore moins important parce qu'on leur parle de faire ça. On l'a expliqué la dernière fois, c'est une chose qu'Allah te donne. Pas une chose qu'il t'a ordonné de faire. C'est comme, par exemple, la zakat. La zakat, est-ce que Allah Azzawajal t'a ordonné de faire les courses pour payer la zakat? Là, c'est une arkam al-wad'iyya. Il t'a ordonné, si jamais ton argent arrive à une certaine somme, qui est une nisab, d'accord, et qu'il a fait un an avec toi, là, elle t'est rendue obligatoire. Ta somme, ton argent a atteint telle somme, qui est le nisab, qui est le seuil à atteindre, et qu'elle a fait un an avec toi, la zakat te devient obligatoire. Mais t'as pas dit, Allah Azza wa Jal, fais les causes pour payer la zakat. Comme le hajj. Allah t'a dit, si tu remplis les conditions, fais le hajj. Mais t'as pas dit, fais les causes, c'est-à-dire, travaille, mets de l'argent de côté pour aller faire le hajj. Et là, si tu le fais, c'est toi-même. Mais c'est pas obligatoire. Mais si jamais tu as les conditions remplies pour le hajj, tu dois le faire. Hein? Tu dois le faire. Donc ces gens-là, ils divisent justement cette religion en ce qu'ils appellent l'oub, la pulpe de l'orange, ou le kouchour, les épluchures. Et ils veulent par cela décider tout ce qui est sunna, et tout ce qui concerne, c'est-à-dire comme étant une chose qui, on va dire, nous retarde, ça, d'après eux. Ou les choses également qui n'arrivent pas à... qui amènent à la distinction. À la distinction. Qu'eux, ils minimisent. Et par rapport à ça, on leur dira, la salène, que même dans les choses de dunya, on agit de la sorte, de toute façon. Leur propre exemple qu'ils donnent, l'orange, on dit demain tu vas acheter une orange, tu vas au marché, tu vas acheter une orange. Là, tu as un bac d'orange épluché, et là, tu as un bac d'orange avec leur peau. Tu vas prendre lesquelles? Bila alek. Tu vas prendre celles que tout le monde a touché avec sa main dessus, et qui ont été exposées à tout ce qu'il y a dans la rue, tout ce qu'il y a et tu vas la manger comme ça? Tu vas pas la prendre. Tu vas prendre laquelle? Celle qui a la peau. Taïe. Donc déjà, ça rentre sur toi. Deuxième chose, laquelle tu vas prendre? Celle qui est belle, qui brille, qui est bien orange, qui est bien belle. Ou celle, tu vois, qui est un peu ramollie, un peu frappée, un peu... Laquelle tu vas prendre? Celle qui est belle. Tu vas choisir le bon fruit. Pareil pour une pomme, pareil pour une banane, tu vas prendre celui qui a une bonne apparence. Donc pourquoi quand on dit ça, on vient avec une bonne apparence, qui est celle de la sunna, quand vous ressemblez à la meilleure apparence, celui qui nous soit pour nous, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'on est des gens, on fait devancer les choses tertiaire. Elle dit, quand tu vas au marché, tu fais devancer quoi en premier? Tu vas regarder l'apparence du fruit avant d'acheter. Après, c'est possible, tu achètes le fruit, il est beau, tu l'ouvres, il est pourri à l'intérieur. Ça, c'est clair. On a déjà une belle apparence à l'intérieur. Comme on disait tout à l'heure, par exemple, l'exemple de certaines femmes qui sont habillées de façon JVN, mais elles en manquent de haya, elles ont des comportements qui sont inacceptables. Ça, il n'y a pas de garantie. Mais c'est quoi la première chose sur laquelle tu te bases? L'apparence. L'apparence en premier lieu. Après, tu analyses les actes. Et après, tu verras son comportement est au niveau de son apparence. Après, c'est imblâmable. Non. Donc, si tu crois en premier, tu regardes l'apparence. Donc, même dans ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils achètent, tu regardes l'apparence en premier lieu. Les koufars, eux-mêmes, ils font cela. Leur armée, ils font une apparence spéciale. C'est pas t'arrives, tu t'habilles comme tu veux. Tu t'apportes, tu t'habilles, même dans le camp militaire, tu t'habilles pas comme tu veux, tu viens habillé en civil. Tu viens, tu portes au minimum le treillis ou peut-être même leur jogging bleu. Là. À mon époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pareil. Tu viens pas en civil. À part si tu es un visiteur, tu repars. Mais les militaires, ils ne s'habillent pas en civil dans le corps. Les cheveux, tu n'as pas les cheveux longs. Maintenant, tu as le droit au bouc. Avant, tu n'avais pas le droit. Obligé, tu te rases à blanc. Comme une femme. Tu as des joues brillantes, toutes lisses. Maintenant, je crois, on m'a dit que tu peux avoir un bouc. Tu vois. Quand tu marches ou pas au rythme comme tout le monde. C'est pas tu viens et tu marches comme les, différemment des autres. Ça s'appelle la discipline. Tu vois. Et ben nous, en religion, cette discipline, c'est l'ibada. Le salat, on est en rang aligné. Même, et la tasawwuf des soufous, c'est obligatoire. Notre apparence, avant la barre, c'est obligatoire. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on consomme le shawari. Il se pousse les barbes et couper les moustaches. Et ça, c'est parmi les choses de la fitra. Wa'akadha. Même tout ce qu'on a fait au début, ce qui est au-dessus des chevilles, mon kamis, c'est même obligatoire, parce qu'obligatoire, c'est pas s'habiller comme un koufar, tout ça, tu vois. S'habiller en blanc, c'est une sunnah, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, c'est au mot, t'as comme une bilbayad, fa on va le blanc, car cela est parmi vos meilleurs vêtements. C'est le blanc. Donc, celui qui porte du blanc a plus de récompenses que celui qui porte du rouge. Et encore, le rouge est un khilaf. Le rouge pur est un khilaf pour les hommes, est-ce que c'est parmi ou pas. Donc, tout cela, ça revient à hadith. Autre l'officiel, mikaf, entre l'islam pleinement. Donc, il n'y a pas d'épluchure et de chair. Maintenant, on est d'accord, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il a chèque. Quand tu viens, tu commences à faire une da'wah, tu ne vas pas commencer aux gens à dire pousse ta barbe, alors qu'il ne connaît même pas le tawhid. Ça, on est d'accord. Il ne connaît pas la salat, tu ne vas pas lui apprendre, mais Felen, à faire qu'il aime le layl, alors qu'il ne connaît pas encore les salat wajiba maktouba. Il a un chèque, ça, on est d'accord. Mais après, ton œil connaisse, donc tu lui donnes ce qui lui convient. Le Nabi Salam, lorsque les gens venaient le voir, il donnait une nasiha, elle a tout nasibé chez le maqam. Et l'enseigner, après, au fur et à mesure, les gens les apprennent, après, tu viens, tu rajoutes la case, la case, la case. Et rien n'empêche de dire aux gens les choses comme elles sont. Et même toi, en le faisant, il va le voir. Tu viens, tu fais darwa, il va te voir comment t'es habillé, ton apparence. Il va te demander, celui qui est intéressé. Dis, je veux, t'as une barbe, ma salène. La barbe, c'est obligatoire. Tu lui réponds. Il dit, je te vois jamais porter ton talon. Tu vas toujours porter tel et tel vêtement. C'est interdit pour ton talon. Tu vas lui répondre. Une femme, avant d'avoir une femme, elle intéressée par l'islam. Une soeur qui est mutahajiba entièrement. Elle dit, mais c'est obligatoire de couvrir le visage. Elle va lui répondre. Les gens, eux-mêmes, vont te demander. Si tu fais, tu appliques, ils vont te voir, ils vont te demander. Donc tu dis non, je t'en parlerai plus tard. Il te demande, réponds-lui. Il te demande maintenant, réponds-lui. Et si jamais c'est au fond de lui qui veut pas ça, il va pas te demander. Donc s'il te demande, c'est qu'ils veulent savoir le hukm. Après, s'il fait pas, il t'a demandé au kumad al-hujja ali. Donc il n'y a pas de cette histoire de diviser les choses en, d'accord, pour le fait de faire un tazhid et délaisser. Maintenant, al-aham fal-aham. Non, ça on est d'accord. Mais leur aham à eux, c'est pas le tawhid. Le aham à eux, c'est pas le tiba'a sunna. Le aham chez eux, c'est pas le tiba'a salaf. Le aham pour eux, c'est avoir un état, et même, wallah, tu leur donnes un état islamique. Comme ils disent, il sera pas islamique. Et les premiers qui vont faire du mal, c'est nous. Wallah, les premiers qui vont faire du mal, demain, un chrétien va venir, marhaban, salafi va venir, il va faire la misère. Direct. Ils nous détestent. Ils détestent la sunna, ce genre-là. Taïb. Donc là, je voulais ouvrir une parenthèse pour finir ce hadith. Nokta muhimma. En bab de nasiha. Qui est un phénomène que l'on voit. Qui est, d'ailleurs, c'est lié au hadith qu'on a qu'auparavant. Izelem tastahi fasna machis, tu n'as pas de pudeur. Fais ce que tu veux. C'est qu'aujourd'hui, on a des frères. Ou également des sœurs. Quand je dis frères, c'est bab de taghlib. Ça englobe les sœurs également. Affiliés à la salafia, qui ont des comportements outranciers. Qui khalif, menage salaf. Tamam. Et leur argument par rapport à cela, c'est qu'ils se disent, je suis salafi. D'accord? Et quand ils font une chose qui est, on va dire, qui est une erreur, une chose qu'ils ont fait délibérément, pas une chose qu'ils ne savaient pas, tu vois. Je sais pas, une chose qu'ils ont fait délibérément dans leur comportement, dans leur langage, dans leur gestuel, dans leur da'wa, tu vois, des choses comme ça. Ils te disent, moi, je suis salafi. Et les bidas, ils font pire que moi. Tu vois, je n'ai bidas, ils font pire que moi. On dit déjà, là, on parle à toi. On parle pas d'El bidas. Fikobrik, tu s'interroges toi, pas El bidas. D'accord? S'interroger sur ton Seigneur, ta religion et ton habit. Ça pas interroger sur El bidas en premier lieu. Donc déjà, regarde-toi. Parce qu'on parle à toi, là, maintenant. Avant de regarder les autres. Hein? Ce que tu fais là, tu penses que t'es salafia, elle te l'auront permis. Parce que t'es salafi. La salafia, comme il y a, c'est une aqidah, c'est une croyance. C'est un fahm, c'est une compréhension. C'est un ittiba, c'est un suivi. Ce qui inclut un comportement. D'accord? Si tu dis salafi, c'est pas tu dis j'ai la racaille de salafi, j'ai le comportement des racailles de la rue. On va dire ça, c'est pas la salafia. Ça. Tu veux mélanger entre l'islam, le tawhid et la jahiliya, tu pourras pas. Quand le Nabi sallam, la jahiliya, tat akadam. Elle est sous mes pieds, la jahiliya. Et le Nabi sallam, il est venu pour combattre la jahiliya. Comme il y a quoi? Hinnama dja Abu Sufyan, il est Hirakl. Abu Sufyan, il était encore dans le, avant qu'il ne rentre en islam, il est parti au Hirakl, qui était le chef des Romains à l'époque, il lui a dit, Mazaya Murukumbi, qu'est-ce qu'il vous ordonne, c'est-à-dire le Nabi sallam? Il dit, Ubudullah wahda. Adorez Allah seul. Wa utrukum ma yakulu aba'ukum. Désirez ce que vos pères disent, c'est-à-dire les choses de la jahiliya, des laissez-les. Wa ya'muruna bis salah, la salat. Wa surat ar-rahim, en toute une parenté. Wa al-iffa, la retenue. Wa sidq, et la vérité, dire la vérité. Tout cela, c'est lié au bon comportement également. Il a dit quoi? Utrukum ma yakulu aba'ukum. Ce que vos pères disent, c'est-à-dire tout ce qui est avant votre islam, délaissez-le. Délaissez-le. Donc, t'as des gens, ils viennent, comme de la jahiliya, et t'en font un phénomène pour moyen d'arwa attirer des gens, ou c'est en eux, lorsque tu leur reproches, ils disent, mais je suis salafi. On dit, Akhil salafi, la jahiliya, s'il en a, ils s'en débarrassent. L'islam appelle à combattre la jahiliya. L'opposé de l'islam, c'est la jahiliya. C'est l'époque où le Nabi sallam n'était pas encore envoyé. La jahiliya mutlaqan n'existe plus. Maintenant, on a une jahiliya qui est nisbiya, ce qui est par rapport à l'individu. Parce que lui, il a connu avant son islam. Mais la jahiliya qu'on a, l'époque du jahiliya en soi, n'existe plus aujourd'hui. Mais le barf. Mais des choses de la jahiliya existent toujours. Combien de choses de la jahiliya, le Nabi sallam a dit de délaisser? Insulter les pères, insulter les mères, niaha, le fait de se déchirer les vêtements lors d'un défunt, lors d'un décès, pour les alika, se vanter de sa descendance, se vanter de sa généalogie, je veux dire, se vanter de sa race, pour les alika. Tout ça, au moins la jahiliya. Et il a combattu tout cela, le Nabi sallam. Et toi, tu viens, tu as ce comportement, et quand on te dit, tu dis, moi, mais je suis salafi. La salafia, c'est pas comme on dit un vaccin qui t'immunise de, on va dire, de l'égarement des erreurs. T'es pas infaillible. T'es pas infaillible. Et, Azab al-Qabr, on dit que t'es un mouahid. Quand t'es un mouahid, quelqu'un qui adore Allah seul, qui fait pas de shirk. C'est un hamshi, c'est vrai. Mais le mouahid, il est pas épargné de passer un temps au feu. لأن من أحق الناس أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ce sont les désobéissants de sa communauté. Mais c'était quoi? Des mouahidines tous. Tous les ahdillahs qu'on a vus où des gens se déchattent dans leur tombe. Fornicateurs, voleurs, menteurs, ceux qui prennent du riba, tout ça. Il n'y a personne qui a dit que c'était des gens de la bida, ces gens-là, qui se déchattent, que Nabi Sallam l'a vu. On ne parle pas de bida, là, on parle de désobéissance. Hein, c'est des mouhidines, ces gens qui sortiront du feu. هذا كلام اليهود يقول ولن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل تغاستم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تكونون على الله ما تعلم. Ils ont dit le feu ne touchera que quelques jours. Dit vous donc pris un engagement avec Allah et Allah ne transgresse pas son engagement. Ce que vous dites sur Allah, ce que vous ne savez pas. في آية أخرى يقول ذلك بينهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يكسبون. Ils ont dit pareil, que le feu ne touche qu'à quelques jours. D'accord? Et ils ont été induits en erreur parce qu'ils se faisaient dans la religion. C'est-à-dire ce qu'ils s'imaginaient. Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, laissa bi amanikum wa la amani al-kitab, man yarmel su yujzabe. Ce n'est pas par vos prétentions à vous, ni celles des gens du livre, mais celui qui fait du mal, il le perd, dans le sens. Wa tat al-mashi'a. Hakaza. Wa qalat al-yahud wal-nasara, nahnu abna'u Allah wa ahibbahu. قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والا الله المصير. Il a dit les juifs, les yahoud, les nasara, ils ont dit nous sommes les fils d'Allah, c'est préféré. Dit alors pourquoi c'est vous châtiez pour vos péchés? Il pardonne à qui il veut, bête, vous êtes des gens comme ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et c'est vers lui qu'il a destination. Donc ta prétention ne te sert à rien. Tu es un être humain que Allah il a créé et tu seras jugé en fonction de tes actions. Maintenant, certes, le salafi, il a un cadre qui n'est pas chez le mubtadi. Mais ce salafi, justement, elle amène à quoi? À craindre dans son comportement, justement, d'avoir encore plus peur de la perdre, d'être salafi qu'il a. En plus, plein se disent salafi. C'est la notion que eux, ils ont mis la salafia. Ce n'était pas la salafia, hakikia. Ça, c'est ce que eux, ils s'imaginent, qu'ils sont salafis. Que tu vois des actes, tu dis, yahri, a'ouzou billah. Les salafis, ils n'étaient jamais là-dessus. Abadan. Rien que cette prétention-là de dire, ouais, mais je suis salafi, donc quoi? Tu n'as pas de toba à faire. Tu peux pas être châtié. Belle, tu peux pas apostasier. Ton côté salafi reste immunisé jusqu'à la fin de ta vie. Yahri, tu peux sortir de l'islam. Pour des péchés. Tu vois, et pour ton orgueil. Déjà, ces comportements-là, c'est parmi les comportements qui font fuir des gens de la salafia. Des gens qui, déjà, ils ont une mauvaise division de la salafia à cause des chouboîtes qu'on leur a mis. Ils voient quelqu'un qui se comporte comme ça, ils disent, mais ils se prennent pour qui ces gens-là? On dit, la salafia en elle-même, non. Elle est au-dessus de toutes les autres voies. C'est la, Firkan, le Mansoura, Najia, c'est le groupe sauvé. D'accord? Maintenant, ça veut dire que toi, en tant qu'individu, tu es sauvé? Là. Bien comprendre la chose entre la voie et la vérité et l'individu moyen. Les hadiths sont très sectes. Ils sont tous au feu. À part une firqa. Ceux qui sont dans les 63 sectes, chaque individu est voué au feu, sûr, et se peut qu'elle lui pardonne. Mais en tant que salafi, il se peut qu'il ne pardonne pas tes péchés. Il se peut que tu sois châtié dans ta tombe, ou les azoubé dans le barzakh, ou avant de rentrer au Jannah, si jamais tu rentres au Jannah, tu passes un temps au feu, et que cet homme dans cette secte, Allah lui pardonne. Là, j'appelle pas à dire, ouais, tout le monde fait ce qu'il veut. Lui, il est sous une menace. Pire que la tienne. Ça, c'est vrai. Mais toi, tu n'es pas à l'abri d'être également châtié. Tout comme Allah peut pardonner à cet homme-là et pas à toi. Tu vois? Comme quand il là, Inna Allah la yaghfiru an shirka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Que Allah ne pardonne pas, qu'on ne fasse quoi que ce soit, il pardonne en dans cela à qui il veut. À qui il veut. Toi, salafi, tu peux ne pas être pardonné sur les choses que tu as faites. Et qui ont nuit même à l'islam. Ce que tu as fait, ça nuit à l'islam, vous avez déjà. Et ce mot que tu as dit, d'accord, Allah lui a pardonné. Peut-être qu'il a fait d'autres actions qui font qu'il lui pardonne cette bid'a. Juste qu'il l'a fait avec Ikhlas, d'accord, qu'il l'a fait, il lui a pardonné. C'est possible. Bien qu'à la base, il est en danger. Pour la bid'a, tu vois. Il est en danger. Des sous-sawa. Non. Et ça revient à quoi? Ce comportement, elle amène min makrillah. De sentir à l'abri du coup d'Allah, Azza wa Jal. Comme quand l'État Allah, afa aminu makrullah, fa la ya'manu makrullah, ilkoum l'khasirun. Sentir à l'abri du stratagème d'Allah, nul ne sent à l'abri du stratagème d'Allah, à part un peuple perdant. Et ça, c'est un bête de kitab tawhid. Elle amne makrillah. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, ils ont dit, al-kabahir, salafa, ani akbar kabahir. Awalen, ils ont dit, les plus grands dépêchés, en premier lieu, shirk billah. Après, ils ont dit quoi? Si je ne me trompe pas, al-bid'a. Et ils ont dit, al-kibr, ou al-amn makrillah. L'orgueil est de se sentir à l'abri du sentiment d'Allah, azza wa jal. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il est parti demander à Huzaifa, Huzaifa qui est sahib al-sir, celui à qui le Nabi sallam a donné les noms des munafiqin, que personne ne connaissait. Omar lui a dit, haylana minhum. Omar ibn Khattab, à qui le Nabi sallam, il a vu son palais au Jannah. Il a dit, Laula, alam ghayratak, la dakhaltu fi. J'ai vu un château. Et si jamais je n'avais pas cru ta jalousie, je serais rentré dedans. D'ailleurs, le Nabi sallam dit, j'ai vu ta maison de Jannah. C'est toi, tu es des gens de Jannah. T'as annoncé, et malgré cela, il demande à Huzaifa, est-ce que j'ai parmi les munafiqins, est-ce que mon nom est dedans? Et là, aujourd'hui, non, je suis salafi. Quoi? C'est quoi le problème? Ce parallèle, c'est un gros problème, ce parallèle-là. Donc, tu en vois certains, ils font des choses, comme tu es au courant. Certains, carrément, ils vont jusqu'à monter des rappeurs, à faire des gestes obscènes, à dire des vulgarités, à citer des paroles de Aouz Billah, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ils en font en moyenne d'Awa. Yahi Tubilallah Azza wa Jalla. Si tu es malade, qu'elle te pardonne, qu'il te guérisse. Mais si jamais tu es conscient de ce que tu fais, tu es en train de, justement, là, ce que tu fais là, tu es en train de faire autant de mal, peut-être plus de mal qu'un Moubtadir à la devant Salafia. Parce que le Moubtadir, lui, c'est que ça nous t'a dit, on l'écoute pas. Mais toi, tu dis salafi, tu dis que t'appelles le tawhid, tu viens avec plein de jahiliya, pas mal. Et après ça, les gens vont te voir. Ils vont dire, ah, c'est ça le salafi. C'est ça le tawhid. On va dire, je suis pas avec toi. Tu critiques un tel, parce qu'il connaît des anachides. Tu cites le rappeur Foulen. Tout rappeur, alors qu'il est aujourd'hui, qui se dit musulman, même si c'est salat, c'est un farsiq. Hein? Les chanteurs sont des foussards. Ils sont des pervers. Chanteur, chanteuse, même acteur, actrice, même rappeur, rappeuse, tout cela. Tabod, un mosif salat. Sallallahu yahdiyahu. Mais ils ont le hukm fustaq, ces gens-là, alors qu'il a. Toi, tu vends ces gens-là. On va aller. Après, tu dis, je suis salafi. Ta salafi, elle est en question par rapport à ça. Donc, ce qu'il nous demandait, c'est d'agir et d'avoir peur. D'accord ? Et cette peur, on peut la connaître comment ? Par le ilm, en premier lieu. Donc, quand tu fais, tu te dis salafi, tu dois avoir une attache à la science, un minimum. L'imam, car celui qui n'a pas de ilm, fil umur, la yakhaf. Celui qui n'a pas de science sur une chose, qui n'a pas le savoir, il n'a pas peur. Il y a d'ailleurs Allah Azza wa Jal, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sauf ceux qui craignent Allah, ce sont les ulama. Un exemple que Mukudama donne. Quelqu'un qui n'a pas peur, il regarde un enfant, en bas âge. Il connaît rien d'innocent. Tu lui ramènes un serpent. Qu'est-ce qu'il va faire d'après toi? Il va courir? Non, il va essayer de l'attraper. S'il a peur, c'est une chose nouvelle qu'il ne connaît pas. Comme il aurait peur de n'importe quelle chose. Il ne sait pas c'est quoi, mais il existe une chose nouvelle, je ne sais pas c'est quoi, il fait attention. Mais le réel danger de cet animal, il ne le connaît pas. Tu vois? C'est comme demain, pour les enfants, tu lui as mis une voiture tout seul, il va avoir peur. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Tu viens avec une voiture télécommandée, tu l'as fait avec des lumières, du bruit, il va avoir peur. Tu vois? Donc pareil, si tu vois qu'il a peur, c'est pas c'est un serpent, c'est une chose nouvelle, il ne connaît pas, il n'a jamais vu ça de sa vie. Maintenant, tu lui ramènes un serpent, un scorpion, tu lui ramènes un crabe, un animal qui peut lui faire du mal, il va aller essayer de l'attraper. Parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas c'est quoi. Il ne se rend pas compte. Quand est-ce qu'il va se rendre compte? Soit, en premier lieu, qu'il goûte, et ça, en gros, là, qu'il le préserve, ou soit alors, il verra quelqu'un qui connaît, comme son père, son grand frère, se sauver. Il va se sauver avec lui. Tu vois. Si son père voit un serpent et son père a peur, il sauve, il aura peur à l'avenir du serpent, il va se sauver aussi. Il ne sait pas c'est quoi, mais j'ai vu mon père partir, j'ai peur moi aussi. Par exemple, cette peur que leurs enfants souvent ils ont, que leur mère leur transmette avec les souris, les cafards, tout ça. Si la mère ne se met pas à crier et à courir partout, l'enfant va voir un cafard, ça ne va rien lui faire. Sa mère vient prendre une plaquette, elle tue le cafard direct. L'enfant dès qu'il va un cafard, il va tuer direct. Il voit sa mère qui part encore en criant, il va partir en courant, en criant lui aussi. Elle va lui apprendre la peur. Mais Cheikh Ibn Hazar, c'est que ces gens-là, c'est des jouhels, des gros ignorants. Celui qui parle comme ça, c'est un jahil. La peur, il l'a pas. Celui qui a peur, il sait qu'il n'est pas à l'abri. Même. Il a vu un athar parmi les salafs. Il a dit, لو نودي أن جميع الناس في الجنة إلا رجلا لخشيت أن أكون أنا. Il a dit, j'ai entendu une voix qui disait, tous les gens sont Jannah. À part une personne, il dit, je crains que ça ne recule pas cette personne-là. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, jusqu'avant de mourir, il était rapporté que le Shaitan est venu le voir. C'est son lit de mort. Pour lui dire, t'as réussi, il dit, j'ai pas réussi. Il y allait jusqu'à la dernière seconde, tu peux m'avoir. J'ai pas réussi. Et les gens, ils viennent, ils font des énormités, après ils disent, je suis salafi. Et ça, c'est djihl, pur. Au contraire, en tant que salafi, tu auras encore plus peur que les autres. Ce genre d'action. Non. T'arrives. Donc ça, c'était une parenthèse qu'on voulait ouvrir par rapport à ça. Et, Nukmil, encore en guise de conseil à ce genre de personnes, sur le hadith d'Ibn Mas'ud, قال النبي صلى الله عليه وسلم الجن والنار أو الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعاله والنار كذلك. Que le paradis est plus proche l'un d'entre vous que du silase, mais le feu également. Et le hadith qu'on a pris de Ibn Mas'ud auparavant, أن العمل أن الرجل لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الزراعة. Que l'un d'entre vous fait les œuvres des gens du paradis, c'est qu'il soit une coudée, là son livre le rattrape, et il se met à faire les œuvres des gens du feu, et il finit au feu. Donc comment toi tu dis je suis salafi, je suis pardonné direct. Alashir Khatib Diddan, très dangereux. Pour toi en premier lieu, et pour les gens qui t'écoutent, qui te prennent pour un modèle. Wallahazabillah. Non. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. C'est un tambi qu'on voulait faire par rapport à ça. Wa هذان الحديثان اللذان اخذناهما اليوم كي اذا لم تستحي تصنع ما شئت et le deuxième c'est le hadith de Sofiane ibn Abdullah qui demande au Nabi sallallahu alayhi wa sallam قولي في الاسلام قولا لا اسال احد غيرك عنه وهكذا قل امنت بالله ثم استقم تمام الى هنا اصبحنا كما بحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك